Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Le temps des fêtes est un bon temps pour fraterniser avec les gens qu'on aime. Et l'équipe de Batterie Expert aimerait souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à ses clients et amis. Et les remercie de leur confiance durant l'année qui s'achève. Batterie Expert, au 356 8e Avenue à Dolbeau-Mistassini, au 418-979-7812. Québécois du nom d'Alain Poupard se retrouve maintenant sur le site des. Sur le beat des Dolphins de Miami du côté journalistique. Il travaille pour le Sports Illustrated. Question un peu de savoir comment qu'un Québécois s'est rendu pour les Dolphins de Miami et couvre de façon quotidienne les activités des Dolphins. On lui parle. Salut Alain! Salut Danny, ça va? Ça va bien, ça va bien. Alain, comment se fait-il qu'un Québécois. Ce roman sur le beat des Dolphins de Miami, c'est pas rien ce qui se passe avec toi là. Ben, ça fait très longtemps, c'est de même que ça se passe. Écoute, ça fait quasiment 40 ans que j'habite ici à Miami. Ok. Ça fait un gros 35 plus que je suis dans le domaine journalistique. Journaliste des sports. Puis, afin de. Dans une couple de détours, une couple d'étapes dans la carrière, mais éventuellement s'amener aux Dolphins. J'ai travaillé pour un journal quotidien à Miami qui a fermé ses portes. OK. Ça, c'est en 1988, donc, on parle, ça fait longtemps. Après ça, j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui produisait un journal hebdomadaire dédié à la couverture des Dolphins qui s'appelle Dolphin Digest, qui existe encore maintenant. OK. Ça, c'est-tu les sites Internet? Parce qu'il faut dire que tu travailles pour un site Internet qui est relié avec les Sports Illustrated. Tu ne travailles pas directement pour le Sports Illustrated. Est-ce que c'est des sites qu'on appelle Fansided? C'est-tu ça? Non, c'est Fan Nation. Fan Nation, OK. Fan Nation, puis le site, c'est All Dolphins. All Dolphins, OK. Donc, c'est tout ce que tu fais des Dolphins de Miami, tout ce que tu. Toutes les activités qui est en lien avec les Dolphins, c'est ça? C'est ça. Je trouve ça comme une. Excuse-moi, des fois, les mots français m'échappent. Ah, okay. C'est tellement longtemps que j'habite ici, là. Les couvertures, les draps que tu mets avec lesquels tu te couvres la nuit. OK. C'est ça comme ça. OK. T'es natif de Montréal? Il n'y a pas de quoi qui passe. OK. T'es natif de Montréal? T'es natif de quel endroit au Québec? Né à Montréal, grandi à Laval. OK. Puis t'es déménagé en Floride à quel moment? Qu'est-ce qui t'a amené en Floride, en fait? Mes parents nous amenaient en Floride pour des vacances pendant la période des fêtes. OK. Les fêtes de Noël à tous les années, en commençant en 1972. OK. Mes parents ont acheté une maison, éventuellement, où ils la louaient durant l'année. On s'en servait quand on fait notre séjour annuel. Éventuellement, okay. Mes parents ont décidé de déménager ici avec moi. Mes deux frères et ma soeur étaient adultes à ce temps-là. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé à déménager en Floride avec eux. Et je leur ai dit oui. Et on s'est emmené. OK. Donc, dans la maison qu'on a fait, tu fais à peu près comme beaucoup de Québécois font des snowbirds. Tu as fait ça. Tes parents déménageaient à l'hiver pour fuir un peu l'hiver. Puis finalement, ben, t'es. Tu es allé avec les Dolphins, c'est le même que tu as abouti à Miami, c'est ça? Mais non, c'est, non. Quand j'ai déménagé ici, j'ai étudié le journalisme au collège. Oui, OK. J'ai obtenu un emploi au journal dont j'ai mentionné, qui s'appelait le Miami News. Oui. Donc, quand j'ai commencé ma carrière journaliste, répondre le téléphone les vendredis soirs pour prendre les résultats, les comptes rendus des matchs de football des écoles secondaires. OK. Éventuellement, ça a cheminé à d'autres choses. Éventuellement, j'ai aidé à la couverture. C'était comme le backup pour couvrir l'Université de Miami, l'équipe de football, les Dolphins. Le journal a fermé. Le gérant du Dolphin Digest, il voulait trouver quelqu'un parce qu'il ajoutait une couple d'autres équipes dans leur famille de réseau d'équipes avec des publications dédiées à elles. Donc, il m'a engagé. J'ai fait ça pendant beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, j'ai aussi fait beaucoup de travail à la pige pour le Associated Press, pour les Panthers de la Floride. Éventuellement, ça a cheminé à une période où j'ai fait... J'étais engagé comme le journaliste pour le site d'Internet des Dolphins de l'équipe. Okay. Ça a fini cette année et j'ai commencé avec le site des Dolphins affiliés avec Sports Illustrated. Ah, ben c'est bon, c'est quand même très très bon. Là. Puis c'est une année particulière, cette année aussi pour le domaine journalistique. Est-ce que vous avez des approches? Parce que je sais qu'à Miami, c'est quand même plus libertarien un petit peu que. Les gens sont plus libres que dans bien des États aux États-Unis. Couvrir les Dolphins cette année, c'est quoi? Est-ce que c'est plus compliqué ou ça se fait quand même assez bien les circonstances? Non, c'est zom. Ah oui? Ça fait. OK. Oui, pratiquement tout. Il n'y a pas une entrevue qui se fait autrement que sur Zoom. OK. Qui change beaucoup d'aspects parce que là, tu parles que toutes les entrevues, c'est des entrevues en groupe. Donc, l'idée d'avoir... d'avoir des exclusifs, ça n'arrive pas. Il y a aussi le temps passé dans le vestiaire après les pratiques. Normalement, les journalistes ont 45 minutes dans le vestiaire après les pratiques. Et c'est à ces moments-là où tu peux développer des relations avec les joueurs. Là, je ne dirais pas chum avec les joueurs, mais avec des bonnes relations avec les joueurs où tu peux établir des contacts, des choses comme ça. Ça marche pas cette année. Ils ont pris beaucoup de précautions au stade, mais moi, j'ai pris la décision de couvrir les matchs de la maison parce qu'encore une fois, toutes les entrevues sont faites en Zoom. Ouais, ça change. Donc, il n'y a pas vraiment. Ben, c'est ça. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup de mes collègues qui veulent être là. Je sais pas si c'est pour dire d'être là. Moi, je n'ai pas nécessairement un gros avantage d'être là. Mais c'est effectivement très différent. Ben oui, c'est sûr. Non, puis l'autre chose aussi, c'est que dans une période de 45 minutes après une pratique, si tu veux, tu peux parler à, on va dire, une douzaine de joueurs. Tu as vraiment le temps de faire ça. La manière que tu as arrangé avec les zones, c'est l'équipe va nous donner 3-4 joueurs tous les jours pour les entraîner. Donc, c'est très différent. C'est plus complexe. Totalement. C'est plus difficile aussi pour toi. Au fil des années, les Dolphins, puis cette année aussi, tu dois moins sentir aussi peut-être l'interaction avec les fans, vu que les fans sont moins là. À Miami, je sais qu'il y a du monde un peu, là, mais tu dois sentir moins l'interaction aussi. Ben non, parce que t'as les réseaux de médias sociaux, là. Ouais. Fait que si je pars un commentaire qui soit un petit peu controversé ou, je dirais spécifiquement cette année, si n'importe quel commentaire qui a le kilo de critiquer ou de ne pas, c'est quoi le mot que je cherche? Complimenter Tua Tagovailoa, le nouveau coréen. OK. Je vais l'entendre très rapidement. OK, OK. Ben, c'est pas bon, on fait une pause, puis je veux te parler un peu des Dolphins cette année. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Alain Poupard, qui est un Québécois qui couvre les activités des Dolphins de Miami sur les ondes de danradiosport.com. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. La direction du club de golf de Chibougamau-Chaparay, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? On est retour à danradiosport.com. Alain, écoute, tu as parlé de toi. On va parler un peu des Dolphins cette année. Mon équipe, parce que c'est mon équipe, les Pats ne sont pas là cette année. Ça doit faire différent dans l'Est de l'Américaine. Pardon, veux-tu me répéter ça? Mon équipe, les Pats, ne sont pas là cette année. Les Patriots ont été éliminés donc, cette année. Donc, habituellement, c'était toujours pas mal les Pats qui étaient là. Il y avait peut-être une lutte pour le meilleur deuxième. Cette année, les Bills ont remplacé les Pats, mais les Dolphins sont au plus fort de la course. Ça doit quand même être très différent, Miami, maintenant. Oui, puis ça me fait de la peine, Danny. Je suis triste pour toi. Après 12 ans en pile, je sais vraiment pas comment tu peux dealer avec ça. Je te dirais qu'Alain, je suis pas du tout déçu. On a été les partisans les plus gâtés dans le sport professionnel quand même. Si on sera une couple d'années pour faire les séries, ça me dérange pas. Nous autres non plus. Pas rien personnel, mais t'en es en maudit des voix là, les Patriots. Non, puis c'est pas juste, pour eux autres, c'est pas juste la perte de Brady. Si ça fait bien, ils ont perdu quelque chose comme 5 joueurs ou 7 joueurs, je ne me trompe pas. 8 joueurs en défense. Combien c'est 8? Bon, OK. Dont des gros morceaux, là. Ouais. Donc, je ne m'attendais pas nécessairement à des miracles. Quand j'ai fait les prédictions devant la saison, je leur avais donné une fiche de 8-8. Je pensais vraiment pas que Cam Newton serait si poche qu'il a été. Ouais. Parce que non, c'était vraiment pas fort. Mais c'est vraiment bon qu'il y ait un petit peu de changement. Oh ouais. Je veux dire, après tant tout le monde est la même équipe, c'est vraiment poche là. La grande question dans NFL, ça veut dire Kansas City qui va être rendu comme ça pendant 10-12 ans en fil avec leur équipe qu'ils ont et avec Patrick Mahomes. Mais c'est ça. Mais les Dolphins sont sur le chemin, sur la bonne voie. Sont encore en arrière de Buffalo. Buffalo, une maudite bonne équipe. Ah oui, bon, les Dolphins, les Bills, c'est pas mal la menace pour les Chiefs. C'est la grosse menace pour les Chiefs, il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux te parler de deux petites questions. Toi, là, lorsqu'il a remplacé Ryan Fitzpatrick, ça va quand même assez bien. Mais est-ce que c'était prévu? Parce que Bobby Flores aurait pu perdre son vestiaire. C'est une affaire pour perdre son vestiaire. Ça, il a joué gros, lui, là, parce que Fitzpatrick n'était pas si mauvais que les Dolphins, là. Non, puis quand il a fait le changement, il venait de gagner deux parties en file avec deux bonnes performances de Fitzpatrick. Mais moi, ce que je te dirais là-dessus, le danger qu'il perde le vestiaire n'était pas là, d'après moi, parce que, un, c'est une équipe très jeune. Numéro deux, Flores, il a tout le contrôle de cette équipe-là et de son vestiaire. Puis s'il y avait un ou deux joueurs qui avaient fait n'importe quoi en fait de chiolage, ça aurait été il aurait dealé avec ça bien rapidement. Et numéro 3, Fitzpatrick, c'est le genre de joueur qui, lui, il aurait empêché à ses coupés, que tout le monde l'aime. Tout le monde l'adore, Fitzpatrick, parce qu'il est vraiment cool comme gars. Lui, il aurait dit au gars, arrêtez de chialer, c'est l'équipe de Tua. L'autre chose aussi que je te dirais là-dessus, moi, je pense fortement, malgré que ça n'a jamais été déclaré publiquement, que les Dolphins avaient décidé au début de la saison que n'importe quoi qui arriverait, quand il arrivait au bail, il faisait le changement. Okay. La seule chose qui s'est produite, c'est à cause du changement de la schedule, le bail a été amené plus tôt. Ouais. Dernière question, Alain, je vais te laisser parce que tu as beaucoup. L'entraînement de Dolphins a commencé très très bientôt. Est-ce que toi es vraiment le corps d'avenir des Dolphins? C'est le corps que les Dolphins n'ont pas eu depuis Dan Marino. Il y en a passé des corps, là, je vais les nommer les Jay Fiedler, les A.J. Feely, les Dante Culpepper, Chad Biddington. Il y en a passé plusieurs, les Dolphins, des carrières. Jay Cutler, est-ce que Ryan Tannehill, est-ce que finalement. Tua est le corps d'avenir des Dolphins. C'est le meilleur corps depuis Dan Marino. Potentiellement, oui, mais il y a un historique de blessure dans son cas. Il y a un historique de blessure. Je te dirais très honnêtement, moi, je suis pas fou de ses talents physiques. OK. Il est pas grand, il est pas gros, il est peut-être petit. Donc, l'idée des blessures, non seulement sont là dans son histoire, il y a le nuage est toujours là, que ça peut arriver encore rapidement, numéro un. Numéro deux, il n'y a pas un gros bras. Ouais. Il est précis, il n'y a pas un gros bras. Je te dirais, moi, sa performance, ceux qui sont pas capables de regarder rien d'autre que son record comme partant, c'est un peu myope parce que il y a beaucoup d'aide. Ce qui présentement, c'est un terme que bien les gens trouvent honteux, mais c'est un gérant de match présentement. OK. C'est un bon gérant de match. Est-ce qu'il a la chance de devenir un bon carrière? Oui. Est-ce que ça va être Dan Marino? Non, il n'a pas le talent physique pour ça. Mais aussi, il n'est pas garanti. Je te dirais que les Dolphins et les fans, oui, ont des raisons d'être confiants qu'il va devenir un bon carrière. Mais ça, je te dirais, c'est pas une garantie. Puis je te dirais aussi que sa performance cette année, les fans, c'est ça que je mentionnais plus tôt, ils la regardent, puis n'importe quoi qu'il fait, c'est spectaculaire. Puis quand quelque chose ne marche pas, généralement, c'est pas de sa faute. Ouais, c'est aveuglé. Les fans sont aveuglés par l'espoir de voir un autre Marino. Ben, c'est ça. En ce gars-là. Mais je te dirais que moi, je suis pas encore là. On n'a pas été assez passé avec Ryan Tannehill. Hein. Quand on voit ça, on n'a pas été. Quand on voit que Tannehill au Tennessee, là, on a jeté la serviette très vite dans son cas. Moi, je te dirais non. Non. Ryan Tannehill a été ici pendant 7 ans. Les journalistes ont enduré pendant 7 ans. Ça ne changeait pas. Mais puis il est arrivé. Puis c'était toujours la même chose avec Tannehill. Tu le mets dans une situation parfaite. Où il y a un co-porteur de ballon avec lui, puis il n'a pas besoin de charrier l'attaque, il peut être efficace. Mais avec Tennessee, grosse ligne offensive, Derrick Henry en arrière de lui, boum. Ouais. Il y a eu 7 ans ici, là. Après 7 ans, là, ça sort. Ouais. OK. Ben, on va Alain, félicitations pour ton travail avec Sports Illustrated. On peut te lire, c'est en anglais, on peut te lire sur les sites, j'imagine. C'est quoi le site auquel que tu écris? Ben, c'est bon. Il y a deux choses que tu peux faire sur Google. All Dolphins. All Dolphins. OK. Ou fi.com/. NFL/Dolphins. OK. Ben, à l'époque, on va peut-être s'en parler un autre tantôt, peut-être durant la saison de la NFL, si tu permets, une fois de temps en temps. Ça me ferait plaisir. Alain Poupard, un Québécois qui est sur le beat des Dolphins de Miami.